Cette nuit, je sors pour te sourire. Cette nuit, j'ai empaqueté ma joie pour te l'offrir. J'arrache le ciel pour que tu me voies. Je grimpe sur une échelle. Allez, attrape donc mes doigts. Je sais que tu es coincé là. Je me blottis dans les nuages comme si j'étais dans tes bras. La lune rit comme c'est étrange.